On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Justin Saint-Pierre qui était l'invité de Michel Thifault et Dominique Bolduc la semaine dernière sur les ondes de CKJ où on a parlé de sa prochaine saison. Mais dans un premier temps, on a parlé de l'école de hockey d'arbitre de Justin Saint-Pierre et Justin mentionne évidemment qu'il est quand même content malgré le peu d'inscriptions. Il y a eu 12 personnes, il a pris le temps de parler avec ceux qui étaient inscrits. On va écouter là-dessus Justin Saint-Pierre. Écoute, ça a été, je retiens qu'on a eu, tu sais, le monde me disait, il n'y a pas beaucoup de monde. On a eu 12 participants, mais je pense que les participants ont aimé ça parce que on était 6 entraîneurs, puis on était assis avec, on s'assistait beaucoup avec chacun des élèves. On les jasait, on les expliquait un par un, puis je pense que les élèves ont bien aimé ça, puis c'est pour ça que je me dis, dans les années à venir, je ne sais pas si je veux passer 20 ou 25 parce que j'aimerais ça garder cette attitude-là, la mentalité de parler un à un à tous les élèves. Puis je pense que ça prend beaucoup mieux avec ce temps-là. Est-ce que tu penses... Dans un deuxième temps, Justin Saint-Pierre mentionne que du côté de... Il se prépare pour sa 16e saison. Il trime dur jusqu'à maintenant à l'entraînement. L'extrême pour moi, c'est les poids le matin, puis je fais du cardio le soir. Je fais des sprints le soir, puis le matin, je fais les poids alter le matin. Là, je pars du haut gym vers 7h moins quart, j'arrive chez nous à 9h moins quart, 9h. Après ce soir, après que le coucher du soleil un peu, là, vers 6h30, ils vont faire des sprints à Orvida en arrêt de la polyvalente. Parce que quand tu. Le de Gabriel Savard de Dolbeau-Missisni, elle a pris le deuxième rang lors de la traversée internationale du lac Mégantic. Donc, sa deuxième position lui assure pratiquement de remporter le championnat dans sa catégorie. Donc, Gabriel Savard a fait un temps de 1h42 et 13 secondes. On va en parler en fin d'après-midi avec notre ami Marc-André Leclerc qui a été au courant de ce qui s'est passé au lac Mégantic. Maintenant, parlons de la Ligue de Balmol. Il y avait des matchs hier dans la Ligue de Balmol de Saint-Félicien. D'abord, Tintage 8, Polaire Plus 6. Victoire facile des Brewers, 17-0 sur les Gaz du Rang. Et Meubles Gilles Tremblay ont défait le son X Plus 13-12. Il y a d'autres matchs qui va se jouer à Saint-Félicien ce soir. Et au soccer, dans les différentes ligues de soccer, ça achève. C'est la dernière semaine au calendrier régulier. Il y avait des matchs. D'abord, notez que le Chinook de Chicoutimi défait le FC de Saint-Félicien 2-0 dans un match de la catégorie U16 féminin. Du côté maintenant, du côté du senior masculin division A, l'Arsenal, la Voie-Maltais, a défait de le Beau-Missisni par le pointage de 8-3. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Caroline Deville, où on fait le bilan de la Coupe Rogers. Mais je suis également entretenu aussi avec Serge Cloutier, où on parle de la performance de Tiger Woods. Et vous pouvez écouter l'entrevue intégrale que Michel Thifault a réalisée avec Justin Saint-Pierre. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.